La vue, c'est les yeux, l'odorat, c'est le nez, l'ouïe, c'est l'oreille, le goût, c'est la bouche, mais le toucher, c'est quoi? Pas seulement les mains, voire les pieds pour les plus souples, tout notre organisme réagit au contact d'une caresse ou d'un coup, mais comment ce sens fonctionne-t-il? Le volcanisme, on connaît, c'est l'activité de la croûte terrestre à proximité des failles tectoniques, mais les volcans qui sont ailleurs, qu'on appelle les points chauds, comment ça marche? Et enfin, retour sur l'élection américaine, pour défendre la thèse de la tricherie de Joe Biden, les partisans de Trump convoquent la loi de Benford. Sortez les calculettes. Toucher, point chaud et loi de Benford, c'est le programme généreux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme, ils sont les points les plus chauds de la vulgarisation scientifique. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, ils vont réchauffer vos neurones en ce début d'hiver. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science. Bonjour Philippe Pajot. Bonjour, bonjour à tout le monde. Rédacteur en chef de La Recherche. Et bonjour Florent Gouttière. Bonjour. Alias curiologue, auteur du blog curiologie.fr et journaliste au service Check News de Libération. Mais on commence par une éruption d'actualité scientifique bouillante. Je me rends compte que je tire beaucoup trop fort sur cette métaphore. C'est le journal des sciences de la semaine avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue aujourd'hui dans la revue Science, selon laquelle il serait possible de restaurer la vue grâce à la stimulation corticale. Et stimuler le cerveau avec un implant pour créer une vision artificielle, c'est une idée qui remonte aux années 70. Mais pour le moment, les différentes expériences se sont montrées peu probantes. Une équipe hollandaise vient de réaliser une percée. Deux singes voyants ont été formés à reconnaître des lettres et à réagir de façon particulière pour chacune d'elles. Les macaques ont ensuite reçu des implants haute résolution de 1024 électrodes dans leur cortex visuel. Le cortex visuel, hein, c'est un peu l'écran de cinéma de notre cerveau. Lorsque le cerveau reçoit la stimulation électrique via l'électrode implantée, cela génère la perception d'un point de lumière à un endroit particulier de l'espace visuel, ce qu'on appelle un phosphène. Les singes ont bien reconnu la forme des lettres dans ces phosphènes et ont eu une réaction adéquate. L'innovation ici, hein, c'est de s'être intéressé au cortex visuel et non pas à la rétine. Ce procédé, hein, ne fonctionnerait pas, hein, si le nerf optique était endommagé. On est encore loin, hein, de restaurer la vue des personnes aveugles, mais cette étude est une preuve de concept. En bref, dans une étude parue dans la revue Nature, une équipe française a perfectionné la mesure de la constante de structure fine. La constante de structure fine, hein, c'est une constante fondamentale de la physique. Elle est liée aux phénomènes électriques et magnétiques. Hein, c'est ce qui caractérise la force de l'interaction entre la lumière et les électrons. Cette équipe française vient donc de réaliser la mesure la plus précise à ce jour de la constante de structure fine. Elle a été calculée avec 11 chiffres significatifs, ce qui améliore cette mesure d'un facteur 1000. Pour cela, les chercheurs ont refroidi des atomes de rubidium à une température proche du zéro absolu et l'ont analysé par une technique d'interférométrie atomique qui permet des mesures ultra précises. Cette nouvelle valeur pourrait permettre la découverte de nouvelles particules. En bref, toujours selon une étude parue cette fois dans Personality and Individual Differences, il n'y aurait pas 2, mais 6 chronotypes humains différents. Oui, il n'y aurait pas que les leftos et les couchetas, hein, c'est moins binaire que ça. Une équipe russe a demandé à plus de 2300 participants d'auto-évaluer leur propre rythme circassien, leur niveau d'énergie, selon les heures de la journée. Il en ressort 6 chronotypes différents. Alors, il y a ceux du matin et ceux du soir, mais aussi les types très actifs, qui restent vigilants tout au long de la journée, les types somnolents diurnes, qui commencent fort le matin, qui sont très fatigués en milieu de journée, puis... Et puis, oh, je crois que nous venons de perdre Natacha Triou, dites donc. Ah, Natacha. Eh bien, on vient de la récupérer. Natacha, on vous avait perdu un instant, donc on va reprendre les six types. Le type très actif, redis-nous tout. Vous recevez, Nicolas? Oui, je vous ai, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Bon, c'est l'avantage de la pandémie et du confinement. On va reprendre les six chronotypes à partir du type très actif, alors, si vous voulez bien. Il y avait donc les, oui, moi je vous reçois. Allez-y, je vous en prie. Oui, voilà, les types très actifs hein, qui sont donc vigilants tout au long d'une journée. Il y a donc les types somnolents diurnes qui commencent fort le matin, qui commencent le matin, qui sont très fatigués en milieu de journée, et puis qui la terminent sur une vigilance moyenne. Il y a les types actifs diurnes qui commencent en petite forme, qui culminent au milieu de la journée pour la finir mollement. Et enfin, il y a les types modérément actifs qui affichent, eux, de faibles niveaux d'énergie durant toute la journée. Et on poursuit avec le deuxième sujet de ce journal, selon une étude parue dans la revue Physical Review Letters. Dans le fond diffus cosmologique, il y aurait peut-être des indices d'une nouvelle physique. Le fond diffus cosmologique, hein, c'est la plus vieille lumière de l'univers, un rayonnement électromagnétique fossile émis 380 000 ans après le Big Bang. Une équipe internationale a utilisé les données de Planck, publiées en 2018. Les chercheurs ont développé une nouvelle méthode afin de mesurer l'angle de polarisation du rayonnement du fond diffus cosmologique. Ils l'ont étalonné avec l'émission de poussière de notre propre Voie lactée. Leurs résultats révèlent des indices d'une torsion de la lumière, ce qui pourrait être le signe d'une violation de la symétrie P. Hein, on pense que les lois de la physique qui régissent l'univers ne changent pas lorsqu'elles sont retournées dans un miroir. C'est ce qu'on appelle la symétrie P. Or, si cette symétrie P est violée, elle peut détenir la clé pour comprendre la nature insaisissable de la matière noire et de l'énergie noire. L'indice des chercheurs de violation de symétrie P a atteint un niveau de confiance de 99,2%. Mais pour revendiquer une découverte d'une nouvelle physique, il faut atteindre plus de 99,9%. Néanmoins, cette étude montre que le fond diffus cosmologique mérite d'être étudié de plus près. Voilà, et un petit mot aussi pour nos auditeurs pour dire qu'il y a beaucoup de délais entre Natacha Triou et le studio, donc ne vous étonnez pas s'il y a un petit temps d'écart entre mes questions et ses réponses, ça risque d'être comme ça jusqu'à la fin du Journal des Sciences. Nous disions donc que cette semaine, eh bien, dans le Journal des Sciences, il a été question d'une nouvelle technologie de microscopie cérébrale in vivo, d'une méthode pour améliorer les immunothérapies, d'une intelligence artificielle qui résout le problème de repliement des protéines et de l'indépendance éditoriale menacée chez nos confrères du magazine Science et Vie, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine en ultra bref, Natacha, avec pas mal de délais. Cette semaine, nous avons une piste pour comprendre pourquoi les femmes sont moins sensibles à la PrEP, le traitement préventif contre le VIH. Efficace à 90% chez les hommes, chez les femmes, l'efficacité tombe à 50%. Cela serait en partie dû au microbiome vaginal. Selon sa composition, certaines bactéries semblent métaboliser, c'est-à-dire manger, les médicaments et font donc chuter l'efficacité de la PrEP. Cette semaine, Singapour a autorisé la consommation de viande in vitro, de la viande créée en laboratoire à partir de cellules souches de poulet par une start-up californienne. Alors pour la première fois, de la viande artificielle va être servie dans les restaurants. Ces nuggets de synthèse resteront sous la surveillance des autorités sanitaires pendant 20 ans. Voici peut-être l'avènement d'un nouveau marché mondial. Et enfin, une pensée pour tous les arachnophobes. On découvre cette semaine que la fausse veuve noire, une espèce d'araignée très répandue en Angleterre, n'est pas seulement venimeuse, elle est aussi porteuse de bactéries responsables d'infections très sévères, jusqu'à dissoudre les chairs. Certaines de ces bactéries sont même multirésistantes. Néanmoins, le risque de développer une infection mortelle à la suite d'une piqûre reste faible. Et je ne sais pas si vous avez bien vérifié votre appartement, Natacha, après cette information, mais en tout cas, elle était tout spécialement pour vous. Allez, on termine, comme chaque vendredi, par notre rubrique de science improbable. Une étude parue dans la revue Cell Report s'est intéressée au sommeil des mouches. Et dans cette étude, une équipe américaine prouve que les berceuses fonctionnent aussi très bien sur le sommeil des mouches. Les chercheurs ont placé une centaine de mouches au-dessus d'un haut-parleur afin de les faire vibrer. Au départ, les mouches semblaient alertées, mais lorsqu'elles ont compris qu'il n'y avait pas de danger, les vibrations ont produit sur elles un effet soporifique. Apparemment, lorsque les drosophiles sont bercés, elles dorment plus longtemps et plus profondément que celles sans bercement. Et selon les chercheurs, elles étaient aussi plus difficiles à réveiller. Merci beaucoup Natacha pour ce journal des sciences un peu chahuté par la technique. On vous retrouve lundi, vous pouvez aller retrouver votre chronotype. Vous êtes quel chronotype vous Natacha a priori du coup ? Ah je suis diurne, active tout le temps. D'accord, bon bah reposez-vous un peu ce week-end quand même, on se retrouve lundi pour le prochain journal des sciences. Et vous mes camarades du vendredi, vous seriez plutôt quel chronotype Cécile Lestienne ? Moi je suis plutôt du soir. Mais comme vous savez, le chronotype et le fait d'être un grand ou un petit dormeur, voilà, est génétique. Donc, on peut pas beaucoup se forcer, même si On sait que le chronotype peut aussi évoluer avec l'âge. D'ailleurs, si vous fréquentez quelques adolescents, vous êtes peut-être aperçu que les enfants qui vous réveillaient à 6 heures du matin, tout d'un coup, ne se lèvent plus avant midi, avant quelques temps. Philippe Pajot, vous seriez quel chronotype, vous ? Plutôt somnolent, on va dire, somnolent l'après-midi. Donc là, si je m'endors, vous enverra un petit mille dans les oreilles, je vous assure, ça réveille. Voilà. Vous vouliez dire un mot aussi sur les chronotypes, oui ? L'étude sur le fond typique cosmologique, je trouve ça très, très intéressant parce que, effectivement, d'une part, c'est des données qui datent déjà de 2018 qui continuent à être analysées, qui disent des choses, là, en l'occurrence, sur une nouvelle physique qui est au-delà du modèle standard de la physique des particules. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce fond diffus, cette lumière relique, elle donne aussi des indications sur le modèle standard de la cosmologie. Donc, en fait, c'est vraiment un lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et il y a d'autres mesures qui vont continuer. Il y a d'autres observatoires qui vont continuer à étudier ce fond diffus cosmologique qui n'a pas fini de donner tous ses secrets. Oui, on va surveiller ça effectivement de très près. D'ailleurs, on avait consacré, si vous voulez en savoir un peu plus, et si ces questions-là vous intéressent, une émission entière sur cette symétrie CPT et ces problèmes de violation que ça pose. On va vous remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Et vous, Florian, vous êtes plutôt quel chronotype du coup ? Moi, je monte en régime au fur et à mesure de la journée. Je suis bon à rien avant le café, comme on dit. Et des choses qui vous ont fait réagir dans l'actualité scientifique de la semaine ? Non, ça m'a fait rire que vous parliez de la fausse veuve noire, la Steatoda nobilis, qui a été importée dans les années 2010 depuis les îles chaudes de l'Atlantique par des gens qu'ils ont probablement emporté dans leur sac à dos, puisque j'ai été moi-même mordu par l'une de ces bestioles. C'est vrai ? Il y a trois ans, à Paris. Elles adorent les toits les plus chauds exposés au sud. Et donc, il y en a très très peu, hein. Je suis un cas particulier. Il doit y avoir 2 ou 3 morsures par an. Donc voilà, ça me fait plaisir de savoir qu'elles font de la nécrose des chairs, etc. Je suis heureux que ça ne soit pas arrivé. J'espère que Natacha Trioux ne nous écoute pas parce que sinon, c'est foutu. Je pense qu'elle va juste déménager et partir à l'autre bout du monde. Vous n'avez pas eu de problème de nécrose de chair, en l'occurrence? Non, mais j'ai eu quand même une paresthésiste pendant 6 mois. Il y avait 2 doigts que j'avais plus à bouger pendant. La vache. Pendant à peu près 6 mois. Non, ouais, la vache, ouais. Oui, d'accord. Bon, et j'aimerais aussi peut-être qu'on dise un mot toutes et tous d'une actualité qui nous préoccupe en tant que journaliste et vulgarisateur scientifique. C'est cette motion de défiance de la rédaction de Science et Vie. On redoutait le pire depuis le rachat par ReWorld Media. Je ne sais pas si le pire est en train d'advenir, mais en tout cas, c'est relativement mal engagé et c'est une information qui ne peut que nous attrister, Cécile Lestienne. Oui, absolument. C'est un journal que je connais bien. J'ai notamment travaillé chez Le Petit Frère, Science et Vie Junior, pendant des années dans une autre vie. Et voilà, Science et Vie date de 1913, donc c'est une très très longue expérience. Et notamment, je trouve que nos confrères de Science et Vie ont élaboré un savoir-faire très fort sur le rôle de l'image, du schéma, la relation entre la fond et la forme, voilà, qui serait dommage de perdre, je trouve. Philippe Pajot ? Oui, effectivement, j'ai également travaillé pour Science et Vie en tant que pigiste dans une vie précédente également. Et je soutiens de tout cœur les confrères et j'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir parce que c'est la situation d'approvisionnement aux journalistes scientifiques aujourd'hui n'est pas très rigolote. Hein. On est vraiment. On a vraiment du mal. Oui, c'est une période où on se dit que l'actualité scientifique traitée correctement par des journalistes qui savent la décrypter est certainement plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Alors, dans un autre sens, on va reparler de la recherche qui a disparu mais qui réapparaît sous une autre forme. Et sous une forme, il faut le dire, très séduisante et très réussie. Vous nous en direz un mot tout à l'heure, Philippe Pajot. Mais Florian Gouttière, peut-être avant cela, sur nos camarades de Science et Vie. Oui, bah leur journal est en train de se faire transformer de bout en bout. C'est en train de devenir petit à petit un support pour des contenus traduits d'ailleurs. Enfin, le travail des journalistes scientifiques qui enquêtent, qui vérifient ces sources, va être remplacé par quelque chose qui va être l'équivalent du piège à clic sur Internet, mais sous format papier. C'est complètement... Enfin, c'est gravissime, mais la société qui a racheté Science et Vie, voilà, fout à la poubelle... littéralement plus d'un siècle de journalisme. Quoi. C'est gravissime. Oui, eh bien voilà, tout notre soutien et nos pensées à nos confrères de Science et Vie qui sont effectivement dans une bien mauvaise passe, et on aura l'occasion de leur redonner la parole évidemment dans les jours qui viennent en suivant l'évolution de ce conflit au sein de la rédaction de Science et Vie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, on passe au premier dossier de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Qu'est-ce que le toucher ? Le toucher, est-ce que c'est le fait d'avoir la sensation qu'une partie de notre corps entre en contact avec quelque chose d'intérieur ou d'extérieur ? Mais imaginez-vous ce que serait la vie sans toucher ? C'est une maladie très rare, mais une maladie qui existe et qui peut se manifester chez des patients qui perdent tout sens de proprioception, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où se situent leurs membres, leur corps, s'ils ne le regardent pas. C'est dire à quel point ce sens, le toucher, est un sens complexe, bizarre et encore finalement assez méconnu, quoique on commence à voir quelques pistes assez passionnantes, Cécile Destienne. Oui, dans ce dernier numéro de Pour la Science, nous publions un article sur un élément clé du toucher qui sont les molécules du toucher, les mécanos transducteurs. Comment vous dire ? Ce sont les molécules qui détectent les stimulations mécaniques, les caresses, les coups violents ou même les vibrations, et qui les convertissent en signaux électriques pour que le cerveau puisse les décoder. Et donc, c'est effectivement très important, dans le sens du toucher tel qu'on l'entend, dans le sens général du langage courant, mais c'est aussi des molécules très importantes dans le sens de la proprioception dont vous parliez tout à l'heure, qui est le fait de sentir où est chaque élément de son propre corps, et c'est très compliqué si on ne le sent plus sans voir ou sans entendre, C'est aussi des molécules qui rentrent en jeu dans l'audition, parce que si vous entendez quelque chose, en tout cas j'espère que là ça passe, parce que ça s'est plusieurs fois coupé. On vous entend et on vous entend un petit peu mieux à l'instant d'ailleurs. Bon, donc voilà. Et donc oui, donc si vous entendez quelque chose, c'est parce que les cellules de votre oreille interne sont sensibles à la pression émise par des ondes sonores et le transforment aussi en signal électrique. Mais c'est aussi en jeu dans le fait que vous sentez votre estomac se remplir, votre vessie se remplir, ou même que votre organisme sent la pression artérielle. Donc ce sont des molécules qui sont vraiment très très importantes et qu'on connaît depuis très peu de temps finalement. Oui, ce qui est assez fascinant avec le toucher, c'est que en fait c'est un sens que possède quasiment chacune de nos cellules. Oui, enfin, beaucoup de nos cellules sont capables, comme ça, effectivement, sont sensibles aux stimulations mécaniques et pas uniquement aux signaux chimiques. C'est ce qu'on découvre donc aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, ça faisait longtemps que les chercheurs cherchaient ces molécules, et surtout chez les mammifères, parce qu'on en avait trouvé quelques-unes chez les bactéries, aussi chez les drosophiles, les fameuses mouches du vinaigre, aussi chez les vernématodes, mais chez les mammifères, on ne les avait pas trouvés. C'est depuis une dizaine d'années à peu près qu'on les a trouvés. Et ce sont de grosses protéines, en fait, d'énormes protéines même, qui forment des canaux ioniques. Donc les canaux ioniques, c'est les petits pores, les petits trous qui s'ouvrent et qui se ferment sur les membranes des cellules, et qui permettent le passage des ions. Quand des ions positifs rentrent dans les cellules, elles se dépolarisent. Et ça forme un signal électrique, qui remonte au cerveau, qui peut être, Et c'est ainsi que ça convertit. Mais alors, comment est-ce qu'on a mis le doigt sur ces, on va les appeler par leur nom, on les appelle, des gènes qui codent pour des protéines piezo. C'est ça, piezo. Il y a vraiment tout un travail d'enquête, qui a été mené. Oui, les deux grandes protéines dont on parle beaucoup en ce moment, il y a eu plusieurs dizaines de papiers scientifiques là-dessus ces dernières années, ce sont les piezo, piezo 1 et piezo 2. Il y en a d'autres, mais c'est celle-là qu'on a découvert et qu'on a le plus étudié pour l'instant. Et donc, comme je vous le disais, on l'avait trouvé chez d'autres organismes, mais pas chez les mammifères. Et puis, il y a des chercheurs, dont notamment un chercheur français, Bertrand Coste, qui a travaillé sur des cellules de souris, et on connaissait ces cellules de souris, on savait que si on les titillait avec une pipette, voilà, ça faisait un signal électrique qu'on pouvait mesurer. Voilà. Et donc, en fait, ils ont repéré toute une série de gènes qui auraient pu être impliqués, et en fait, ils ont fait de longues études, ils les ont éteints, si vous voulez, un à un, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le gène qu'ils ont appelé piezo-1, donc qui est responsable de la fabrication de cette molécule piezo-1, puis piezo-2. Et c'est du comme coup, ça qu'on les a trouvés. Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement que ces protéines? Elles sont assez particulières? Elles sont particulières dans leur forme, dans leur conception, dans leur taille, dans leur complexité? Ce sont vraiment de très très grosses protéines. Elles font 2500 acides aminés à peu près. Pour donner un ordre de grandeur, une protéine lambda chez un mammifère, c'est plutôt 500 acides aminés. Donc elles sont très grandes, très lourdes, voilà. Et en fait, elles se regroupent par trois. Elles font un complexe trimère, comme on dit dans le jargon. Et ça fait comme trois bras en spirale, comme une hélice, en fait. Voilà. Mmh. Et c'est cette hélice, le centre de cette hélice est sensible à la pression, elle s'ouvre et se ferme. Alors, c'est pas très, très facile d'expliquer comme ça pour les auditeurs, mais je les renvoie à l'article de Pour la Science ou au site internet de Pour la Science. Et je crois d'ailleurs que vous avez mis des images sur le site Twitter de l'émission pour Exactement. Voir quelle forme ça a et comment elle fonctionne. Mais alors, expliquez-nous ces canaux ioniques. Quel est le lien en fait? Comment ça fonctionne avec les cellules? Pourquoi est-ce que il y a cette espèce d'hélice hein, parce que ça ressemble vraiment ni plus ni moins à une hélice un peu complexe. Et pourquoi et comment c'est lié finalement à cette notion de toucher de proprioception? Ben parce que quand vous voyez cette hélice, voilà, et en fait c'est cette forme d'hélice qui est sensible à la pression mécanique. Voilà. Donc quand il y a un étirement de la membrane ou une pression sur la membrane. Le pore s'ouvre ou se ferme. Voilà. Mmh. Et c'est comme ça que il transforme la stimulation mécanique, donc l'étirement, la pression, voilà, en signal électrique que le cerveau va pouvoir décoder. Mmh. Et du coup, c'est l'une des avancées assez passionnantes, c'est que ces molécules, enfin ces protéines, on a réussi à les imager, mais avec une technique très particulière, parce que ce sont des molécules très compliquées à imager. Oui, on avait beaucoup de, enfin, c'est-à-dire que les techniques traditionnelles, voilà, pour vraiment les observer, comme la cristallographie ou la spectroscopie, ne sont pas très très adaptées à des protéines aussi grosses, voilà. Donc en fait, ils ont utilisé la cryomicroscopie électronique. En fait, c'est une technique qui permet de prendre des tissus animaux, des coupes de tissus animaux, de les refroidir beaucoup, voilà, de les congeler en fait, voilà, pour pouvoir justement les étudier au microscope électronique avec un très très très gros grossissement. C'est ce qui a permis de découvrir cette structure, voilà, le fait qu'elle se rattache par trois et qu'elle forme cette hélice. Mais on ne peut pas les voir fonctionner en revanche avec cette technique-là, voilà, et c'est ce que cherchent aujourd'hui les chercheurs pour voir comment vraiment qu'est-ce qui se passe quand elles s'ouvrent et quand elles se ferment. Et alors, même si on sait que c'est le rôle qu'elles ont, hein. Nos auditrices et nos auditeurs auront compris, c'est assez inconfortable pour moi, pour vous, pour Cécile Estienne, pour tout le monde, mais c'est comme ça, nous n'avons pas la technique de notre côté aujourd'hui. Il y a encore une fois un délai entre mes questions et vos réponses, mais on va y arriver, on a traversé des épreuves plus dures que ça, Cécile Estienne, on va s'en sortir. Exactement. Racontez-nous un peu pourquoi piezo 1 et piezo 2, la différence entre ces deux protéines, est-ce qu'on la connaît? Quelles sont leurs fonctions différentielles? Non, pour l'instant, on peut voir des choses. C'est lié à deux gènes différents et on voit qu'elles peuvent avoir des fonctions un petit peu différentes. Piezo, c'est juste parce que ça vient du grec pression. Donc voilà. Et on sait aujourd'hui que donc ces protéines non seulement sont indispensables dans pour le sens du toucher, mais qu'elles jouent un rôle dans beaucoup d'autres. Fonction. Alors dans la proprioception, ça, voilà, dont on parlait tout à l'heure, et notamment on l'a vu avec des souris chez qui on chinte le gène en question et on s'aperçoit qu'elles n'arrivent plus à coordonner leurs mouvements, par exemple, comme les êtres humains qui malheureusement ont perdu ce sens-là. On sait aussi que ils sont impliqués dans certaines neuropathies, notamment ce qu'on appelle l'allodynie. Ce sont des troubles des sensations douloureuses qui font que même si on vous caresse, vous avez l'impression qu'on vous pique avec des aiguilles, c'est extrêmement douloureux évidemment et assez insupportable. Voilà. Et chez des souris, on a montré que là c'était le piezo 2 qui était impliqué parce que si on le chante, ce piezo 2, elles n'ont plus ces sensations-là. Donc, voilà, ça veut dire que on a une cible pour d'éventuels médicaments un jour pour pouvoir soigner ce type de neuropathie. C'est ça qui serait vraiment très intéressant. Comme on a trouvé aussi que ce gène, que le piezo 1, là, cette fois-ci, était lié au... Au fait que, vous savez, les globules rouges, les hématies, se déforment pour passer dans les plus fins capillaires sanguins. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, elles se ratatinent, si vous voulez. Voilà. Et on s'est aperçu que c'était piezo 1 qui faisait se ratatiner de façon anormale les globules rouges dans une maladie qui s'appelle la stomatocytose héréditaire avec hématie déshydratée. C'est joli, n'est-ce pas? Et donc, pareil, c'est aussi des cibles de médicaments. On a vu qu'il y avait aussi un lien l'explication de certaines résistances au paludisme. Oui, de la même façon, il y a quelque chose qui est assez connu, c'est une maladie qui s'appelle la drépanocytose, mmh. qui est malheureusement assez répandue dans les populations d'origine africaine, qui fait une déformation justement des globules rouges, donc qui provoque des anémies très graves. Voilà. Mais c'est une maladie génétique, et le gène en question a persisté, parce que quand vous n'avez qu'un seul allèle de ce gène-là, vous êtes plus résistant au paludisme, ce qui évidemment a été un intérêt voilà, quand le paludisme sévit. Voilà. Et on s'est aperçu que le gène piezo 1, justement, de même, protégerait contre certaines formes du piezo 1, enfin, protégerait du paludisme dans les populations africaines. Mmh. C'est des études qui sont au tout début, hein, mais pareil, ça peut donner encore des pistes de traitement. Mmh. Voilà. Et puis, oui, allez-y, je vous en prie. Non. On va y arriver. Et autre chose sur laquelle on a travaillé, c'est sur des souris. On s'est aperçu que ça jouait sur la formation des cellules osseuses. Enfin, que ça pouvait perturber les ostéoblastes, qui sont les cellules qui forment les cellules osseuses. Voilà. Mmh. Et ça donne l'impression que c'est pour cela, par exemple, que les astronautes, vous savez, perdent de la masse osseuse quand ils restent longtemps dans l'espace. Probablement parce que ces cellules-là ne sont pas assez stimulées, mécaniquement parlant, puisqu'ils sont en apesanteur et qui forment du coup moins de nouvelles cellules osseuses. Et donc, ça pourrait servir à soigner d'autres. Ça donne des pistes, en tout cas, de recherche pour soigner des gens qui sont alités très longtemps ou qui ont de l'ostéoporose et donc qui ont ces types de problèmes. Mmh. Et ce qui est assez formidable avec ces travaux-là, c'est qu'ils ouvrent en fait tout un pan, et notamment sur d'autres travaux, sur d'autres types de canaux de communication cellulaire qui ne soient pas uniquement ces canaux piezo. Oui, mais c'est des similaires, sauf qu'ils ont d'autres types de noms, comme TMC1, mmh. OSCA. OSCA, c'est pareil, c'est le même type de canaux ioniques qui existent chez les plantes et qu'on commence à trouver chez les mammifères aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un nouveau pan de la recherche qui s'ouvre. Mmh. J'ai vu qu'il y avait justement, notamment, et ça, mais ça m'a pas mal surpris quand j'ai lu ça dans le dossier de Pour la Science, le fait que sur l'audition, ça fait des décennies que les scientifiques cherchent le canal approprié, c'est-à-dire Justement, qu'est-ce qui se passait? Comment c'était possible que ces cellules ciliées de l'oreille interne transforment ces vibrations sonores en signal électrique? Mmh. Et ce sont ces canaux piezo qui sont en cause. Ben, on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup, Cécile Lestienne. C'est à lire ce mois-ci dans Pour la Science. Désolé pour ce petit délai. On va continuer notre tour de table consacré à l'actualité des sciences et de la recherche, en espérant que la science soit un peu plus favorable avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Yonville de Vincent Brix à 16h30 sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Deuxième dossier donc de ce vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. La Terre, notre belle planète, a un rayon de 6371 km, soit approximativement la distance entre Paris et New Delhi. De l'épaisseur de notre planète, en revanche, le plus profond que nous ayons prélevé, que nous ayons creusé, c'est 14 km, soit approximativement la distance entre Paris et Rungis, ce qui n'est pas tout à fait la même proportion. Tout cela pour vous dire que nous connaissons des entrailles de notre planète, tout ce que nous connaissons, nous le devons à la diffraction d'ondes sismiques. Or, un mystère reste entier, c'est ce dont vous allez nous parler, Philippe Pageot. D'où viennent les points chauds qui sont ces zones volcaniques qui ne se situent pas sur les dorsales? Alors, peut-être, il faut peut-être revenir en arrière un tout petit peu et de parler de ce qu'on savait à l'intérieur de la Terre. Et c'est vrai que pendant très longtemps, comme vous le disiez, l'intérieur de la Terre, c'était quand même quelque chose d'extrêmement mystérieux. On a à peine égratigné la croûte. Et donc, pendant très longtemps, il y a des hypothèses qui laissaient place à l'imagination parce qu'on n'avait pas de données. Donc, il y a des gens qui imaginaient que ça pouvait être un... D'abord, il y a des gens qui ont imaginé que la sphère était, la Terre était creuse. Hein, il y a eu pas mal de partisans de la sphère creuse, y compris Descartes, notamment. Mm-hmm. On pouvait imaginer qu'il y avait un feu central, une sphère d'eau interne, des cavités enflammées, un océan de magma. Et est arrivé effectivement à la fin du 19e, début 20e, ce qu'on appelle la sismologie. Effectivement, c'est cette capacité qu'on a de mesurer la vitesse des ondes sismiques à l'intérieur de la Terre, qui traversent la Terre, du coup. Et à partir en utilisant une propriété très simple, qui est tout simplement que la vitesse de provocation varie selon le milieu traversé, et bien, en analysant les tremblements de terre, on peut décrire ce qu'il y a sous nos pieds. En fait, c'est un peu, on peut prendre l'image d'un gong. Quand vous prenez un gong, vous donnez un grand coup de dent, ou une cloche, vous donnez un grand coup de dent, ça va vibrer. Et l'analyse de ces vibrations va vous permettre de comprendre de comment est fait ce gong, cette cloche. Et c'est ces premiers coups de gong, que sont les tremblements de terre, en quelque sorte, qui vont permettre de comprendre cette structure de base de la Terre en couche concentrique, qui est aujourd'hui bien connue. Alors, pour simplifier, pour fixer à quoi ressemble la Terre, il y a une croûte d'une dizaine de kilomètres, effectivement, un manteau rocheux qui fait 2900 kilomètres de profondeur, et ensuite un noyau qui a deux constituants, un constituant plutôt liquide en surface et à l'intérieur une graine solide. Alors ça, c'est l'état des lieux, effectivement, qui permet de comprendre des tas de choses. Et en parallèle, en fait, à cette compréhension de l'intérieur de la Terre, les géosciences connaissent une autre évolution qui est celle de la tectonique des plaques. Donc, pour résumer, hein, c'est les continents qui dérivent à la surface de la Terre, portés par des plaques rigides, les plaques qui naissent au cœur des océans, le long des dorsales, et s'enfoncent au niveau des fosses de subduction près des continents. Et tout ça entraîné par une sorte de moteur qui est le manteau. Donc, tout ça est très joli et ça marche bien. Ça explique les tremblements de terre, les volcans, mais les volcans qui sont le long des fosses de subduction et des dorsales. Mais pas du tout ces volcans qui peuvent se produire au niveau des plaques. Et l'exemple typique, c'est Hawaï. Hawaï, c'est un chapelet de volcans qui se produisent au milieu des plaques. Donc là, on s'est dit, comment ça se fait? Et dans les années 60, on a commencé à avoir des idées. On a pensé qu'il s'agissait de panaches de matière chaude qui étaient ancrées à la base du manteau, donc à 2900 km, et qui étaient créaient de sortes de chalumeaux, qui créaient de sortes de points chauds fixes au-dessus desquels les plaques se déplaceraient, créant ces chapelets de volcans. Et donc, quand vous voyez effectivement l'archipel d'Hawaï, vous voyez bien que vous avez un chapelet de volcans qui s'est inné. Et donc, on pensait que le volcanisme de points chauds, c'était effectivement dû à cette sorte de chalumeaux. Voilà. Ça, c'était l'un des modèles. Je crois qu'il y avait un autre modèle qui évoquait la possibilité de fissures dans la lithosphère, du coup. Aussi, ouais, de vivre dans la lithosphère, mais en fait assez vite, effectivement, les points chauds ont pris le dessus, notamment parce que les premières expériences qui avaient été faites en laboratoire, où prenez un liquide que vous chauffez par le bas avec différentes viscosités, et vous voyez remonter effectivement ces points chauds. Et puis par ailleurs, les simulations numériques également permettaient de voir qu'il y avait des points chauds comme ça qui se produisaient en mettant des ingrédients physiques simples. Alors après, maintenant, la difficulté, c'est qu'on les voyait pas, ces points chauds. Donc, il fallait une méthode de visualisation. Donc, je vous ai dit que tout à l'heure que les séismes, la sismologie permettait effectivement de comprendre la structure. Mais là, il fallait aller plus loin. Il faut faire ce qu'on appelle de la tomographie sismique. Mmh. Et en fait, c'est quoi? Simplement, c'est les grands tremblements de terre, en fait, qui éclairent l'intérieur de la Terre et qui permettent de voir des structures un peu comme en tomographie, comment on peut voir l'intérieur du corps. Des structures. Alors ça produit des images. Alors le problème, c'est que la résolution est pas si bonne que ça, en fait. Ce qu'on voit, c'est des plaques. On voit effectivement les plaques lithosphériques qui s'enfoncent, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des zones de subduction, qui plongent dans le manteau et qui s'étalent à partir d'une certaine profondeur. Mais les panaches, les plaques, c'est quelque chose de très très gros, et les panaches, ils sont trop petits, on n'a pas du tout la résolution pour les voir. Alors, et il y a aussi un facteur, c'est qu'on n'a pas assez de sismomètres. Évidemment, si vous avez que des endroits pour écouter qui sont mal répartis à la surface du globe, il y a des zones, évidemment, sur lesquelles... Des zones blanches, en quelque sorte. Des zones blanches, un peu comme... pour reprendre mon image de la cloche de tout à l'heure, si vous avez qu'un petit micro, un endroit de la cloche et pas ailleurs, vous n'allez pas savoir ce qui se passe dans toute la cloche. Donc, une solution, c'est de rajouter des points de mesure, des sismomètres, c'est ce qu'on fait. On met des bouées dans les océans, par exemple, autour d'Hawaï, on a commencé à en mettre, mais il n'y en a pas assez. Alors, ce que font les chercheurs et ce que fait notamment Barbara Romnovitch, qui a écrit cet article, notre dossier Intérieur de la Terre de ce nouveau trimestriel, c'est une analyse très très fine des signaux sismiques. En fait, elle réanalyse les signaux sismiques. On appelle ça la tomographie des ondes P et S de fréquence finie, ou la tomographie des formes d'ondes. Donc en fait, on utilise toutes les réfractions, les réflexions multiples qui peuvent se produire à l'intérieur de la Terre. Donc c'est quelque chose qui, on accumule, il y a beaucoup beaucoup de signaux à analyser, et donc pour cela on a besoin d'ordinateurs extrêmement extrêmement gros, hein, parce que ça c'est pas du tout simplement quelque chose de linéaire, il y en a dans tous les sens. Et à partir de ça, depuis quelques années, on arrive à remonter, à avoir des images. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On peut préciser juste, Philippe Pageant, en un mot, que les ondes, les fameuses ondes P et les ondes S que vous évoquez, ce sont deux des différentes ondes sismiques principales. Les ondes P étant celles de compression et les ondes S de cisaillement. Il y en a d'autres, mais vous allez nous les évoquer dans un instant, donc je ne veux pas déflorer la suite de votre papier. Je vous laisse poursuivre. Voilà, des ondes PS, c'est les principales ondes, effectivement, que l'on connaît, qui se propagent à différentes vitesses, hein, qui se propagent en surface, à l'intérieur, à différentes vitesses. Et c'est en analysant toute cette famille d'ondes qu'on arrive à remonter, effectivement, à avoir ces images. Et en fait, depuis 2015, donc ça, c'est assez récent, il n'y a pas eu que Barbara Romanovitch qui l'a fait, mais c'est une des pionnières de ces techniques-là, on a réussi à trouver des colonnes ascendantes. Donc on pourrait se dire, bingo, ça y est, on a gagné, on a effectivement ce qu'on cherchait. On a réussi à modéliser cette théorie de la colonne ascendante que vous décriviez tout à l'heure. On a réussi à voir, on a réussi à voir des colonnes ascendantes, donc qui seraient la preuve qu'il y ait ces points chauds. Seulement, elles sont très très différentes de celles qu'on attendrait. Si on l'attendait, d'une part par leur morphologie, parce qu'on pensait effectivement que c'était des sortes de pinceaux, je vous ai dit un chalumeau qui remontait des profondeurs, qui faisait 100 à 200 km, et là on a vu plutôt des choses qui font 500 km ou plus de diamètre, donc des choses beaucoup plus grosses. Et en plus, c'est pas non plus ce qu'on attend par des panaches qui seraient dus à la convection simple dans le manteau. On appelle ça des panaches plutôt thermochimiques. Hein. Donc, il y a qu'il y aurait des formes différentes en raison des différentes compositions. Et du coup, ça, c'est effectivement une visualisation très distincte de ce qui était prévu, mais il y a encore un autre cran de précision qui permet d'aller un peu plus loin dans cette modélisation de ces canaux ascendants, Philippe Pageant. Oui, alors après, effectivement, on peut observer, effectivement, il y a des zones, en fait, à l'intérieur du manteau, où les zones S sont particulièrement ralenties, hein, on appelle ça les ULVZ. Ouais, c'est ça. Hein, donc c'est des zones d'épaisseur et d'envergure qui ne dépassent pas 100 à 200 km. Et ULVZ pour Ultra Low Velocity Zones. Voilà. Velocity Zones, des zones de vitesse très lente. De vitesse très très lente. Donc l'analyse justement des données sismiques montre qu'en dans trois cas, dont je vous ai cité Hawaï tout à l'heure, mais l'Islande et les Samoa, c'est également des cas où il y a des volcanismes de ponchos comme ça. Ces ondes ont des propriétés élastiques extrêmes. En fait, la vitesse des ondes S est 30% plus faible, la densité 10% plus élevée que dans la région voisine. Mmh. Voilà. Et donc, ça veut dire que on déduit que ces zones en fait d'ultra ULVZ au niveau des points chauds, sous Hawaï, sous les Samoa et sous l'Islande, en fait, sont beaucoup, beaucoup plus grandes encore. Et ce qui veut dire que les propriétés, à l'intérieur du manteau, il y aura sans doute des inclusions solides très riches en fer et de pierre fondue. Mmh. En fait, il y a une sorte de changement, une résistance mécanique dont on ignore la cause qui se produit effectivement à cette profondeur. Hein, parce qu'en fait, ça se résume par le fait que les gros panaches, en fait, ils semblent être défléchis à cette profondeur, vers 1 km de profondeur. Et ça s'expliquerait effectivement par une résistance mécanique dans le manteau et qu'on connaît que par cette déflexion et qu'on n'arrive pas à analyser. Alors vous savez que pour analyser les minéraux du manteau, on utilise ce qu'on appelle, on essaie de reproduire les conditions de pression et de température qui se produisent dans le manteau avec des minéraux, hein, avec des cellules, on appelle des cellules à angle de diamant, qui sont de sortes d'espèces de coraux casse-noix dans lequel entre deux diamants, on place un petit échantillon de matière et qui se transforme et qui prend les propriétés du manteau aux différentes profondeurs. Et on applique des pressions absolument démesurées. Hein. C'est des pressions qui sont vraiment gigantesques et qui sont les pressions qu'on peut trouver à ces profondeurs. Ces profondeurs-là, voilà. Et grâce à cela, effectivement, on arrive à reproduire les choses, mais il reste que cette résistance mécanique vers 1000 km de profondeur, on ignore complètement d'où elle vient. Donc il y a encore vraiment, vraiment du boulot pour les chercheurs. D'une part, parce qu'ils vont améliorer les choses, ils améliorent toujours les données en augmentant le nombre de sismomètres, comme je le disais. Et puis après, on peut aussi espérer que des physiciens, des géophysiciens des matériaux vont essayer de comprendre les structures minérales qui donne cette résistance mécanique un peu particulière. Mmh. Donc la conclusion, c'est que les points chauds existent, mais sont plus larges qu'on pensait, et en fait, sont pas aussi simples, ce ne sont simplement pas des chalumeaux qui viennent de la base du manteau, avec des formes, ils ont des formes plus variées, et avec des choses qui se passent dans le manteau, qui est quelque chose d'assez compliqué finalement. Hein. Le manteau, c'est pas simplement... c'est un matériau rocheux, le manteau, hein, mais il y a des changements de compositions qui sont assez peuvent être assez étranges. Mais alors Philippe Pageot, je vous garde un instant parce que on l'avait annoncé, on en avait parlé à cette antenne, la recherche ayant été rachetée par le groupe Perdriel les rédactions ont été fusionnées avec celles de magazine Science et Avenir qui, je le rappelle, est partenaire de la méthode scientifique. Science et Avenir qui s'appelle maintenant Science et Avenir La Recherche, mais la recherche est morte, vive la recherche, a-t-on envie de dire, puisque la recherche renaît sous une nouvelle forme de repensée complètement trimestrielle, donc avec une autre fréquence. Vous pouvez nous en dire un mot, c'est un numéro 1 qui, moi, m'a vraiment, je peux le dire à titre personnel, vraiment séduit. C'est un beau magazine trimestriel et c'est, voilà, je tenais à vous le dire. Merci. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on faisait auparavant, et donc l'idée c'est une sorte de magazine livre, quelque chose qui est entre le magazine et le livre, de ce qui fait 150 pages avec un gros dossier central d'une quarantaine de pages. D'ailleurs, le dossier est consacré aux origines quantiques du cosmos, donc on parle du fond diffus cosmologique dont on parlait tout à l'heure. Et à côté de ça, on a une dizaine de sujets assez variés, et avec cette particularité que c'est écrit par des chercheurs, donc on se veut vraiment être la voix des chercheurs, et dans un format un peu renouvelé, à la fois dans l'esprit, le ton, et puis l'allure du magazine, quelque chose qui, voilà, un produit qu'on gardera. Et qu'on trouve en librairie, dans les points presse, partout. En kiosque, en librairie, kiosque. Sur abonnement et en ligne avec le frais de port offert. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, vous nous direz d'ici la fin de cette émission le menu un peu plus complété de ce premier numéro de la recherche Nouvelle Formule. On va passer à la troisième et dernière partie de cette émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45, nous allons parler des élections américaines. Donald Trump aurait-il gagné, malgré les apparences, cette fameuse élection présidentielle si contestée? Non, me direz-vous, car vous avez suivi l'actualité et vous avez bien vu que les décomptes sont formels en faveur du démocrate Joe Biden. Si, vous rétorquerait-il, les partisans de Donald Trump, et pour une raison à laquelle vous ne vous attendiez certainement pas, parce que le décompte des voix pour Joe Biden ne répond pas à une loi mathématique bien connue, la loi de Benford. Alors Florian Gouttière, arriverez-vous à nous convaincre que les mathématiques volent au secours du président américain sortant? Alors, en tout cas, ça vous a pas échappé, hein. Trump et son camp n'étaient pas très chauds pour admettre une éventuelle défaite. Trump l'avait annoncé au mois d'août, s'il perdait, c'était forcément une fraude. C'est la bonne vieille astuce qu'on apprend vers l'âge de 6 ans, il je gagne, face, tu perds, mais appliquée à la course à la Maison Blanche. Et donc, voilà, ce qui devait arriver arriva. Partout, les scores de Joe Biden ont surpassé ceux de Donald Trump. Les plus fervents adeptes de ce dernier ont cherché des éléments accréditant la thèse d'une fraude. Donc, on va pas revenir sur toutes les preuves, les prétendues preuves qu'ils ont avancées, mais donc, comme vous l'avez dit, on va revenir sur une preuve mathématique qui a été brandie par ses partisans. Selon eux, le nombre de personnes qui ont voté pour Joe Biden dans les différents bureaux de vote d'une ville comme Milwaukee était complètement anormal. Alors, anormal par rapport à quoi? En fait, ils ont invoqué, comme vous l'avez dit, une notion statistique qui est connue sur le nom de loi de Benford et c'est assez célèbre chez les amateurs de choses curieuses, étranges et contre-intuitives. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour être étonné par cette loi. Donc, avant de vous parler de la loi en tant que telle, il y a un terme qu'il faut connaître, qui n'est pas bien compliqué, c'est ce qu'on appelle le premier chiffre significatif d'une valeur. Alors, c'est tout bête, hein. Si sur un papier, vous écrivez 0, 1, 2, 3, 4, ça vous fait un nombre, 0, 1, 2, 3, 4, le premier chiffre significatif, c'est 1. Autrement dit, c'est le premier chiffre différent de 0 en partant de la gauche. C'est super simple, je vais vous faire passer l'examen, Philippe, Cécile, Nicolas, vous êtes en ligne. Alors Philippe, si je vous dis 729, quel est le premier chiffre significatif? 7. Voilà, exactement. Cécile, si je vous dis 405,8. 4. Voilà, et Nicolas, si je vous dis 0,012. 1. Exactement. C'est l'ordre de grandeur, en fait, on peut appeler ça comme ça. Mais en fait, il faut juste pas considérer le zéro, regardez le premier chiffre significatif, on s'en fiche que ça soit des centaines, des milliers ou autre. Le premier chiffre à gauche, différent de zéro, voilà, c'était le truc le plus compliqué de mon histoire, le reste, ça passait crème. Alors maintenant, je vais quand même vous demander un petit effort d'imagination. Imaginez que vous utilisiez un logiciel qui produit aléatoirement n'importe quelle valeur, mettons entre 0 et 1 milliard. Ça peut être 0,035, 76 000,1, n'importe quoi, peu importe. Vous lui faites générer, mettons, 1000 valeurs, bon, jusque-là, ça va, et ben, sans surprise, lorsque le logiciel sort ces nombres au pif, et qu'on regarde le premier chiffre significatif de tous les nombres qui ont été tirés, et ben, il y a autant de 1 que de 2, de 2 que de 3, c'est normal, c'est aléatoire, à peu de choses près, c'est les mêmes proportions. Jusque-là, vous êtes d'accord, c'est pas de la haute science. On suit bien pour le moment. Au lieu de laisser une machine générer des nombres, on va les prendre au hasard dans le monde réel. Alors comment on va faire? Par exemple, on va prendre les pages finances, vous savez, les pages saumon d'un quotidien, et on va prendre la colonne des cours de la bourse. Alors vous m'entourez 100 valeurs au hasard, vous pourrez faire ça ce week-end, si c'est froid ou que vous êtes confiné, ça occupe, hein, je vous garantis ça, et vous regardez le premier chiffre significatif. Et là, vous allez voir un phénomène à première vue complètement invraisemblable. Le premier chiffre significatif, et ben, vous allez trouver plus souvent des 1 que des 2, plus souvent que des 2 que des 3, et ainsi de suite. Mieux, la proportion de chacun des 9 nombres est prédite, elle est décrite par une fonction mathématique bien définie. Et plus on a de valeurs à analyser, plus ça colle. Vous allez avoir environ 30% de vos valeurs qui vont commencer par 1, 17% par 2, et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas devin. Et si vous essayez, et comme bien d'autres avant vous ont essayé, c'est vertigineux, ça fonctionne. Et ça marche avec toutes les valeurs qu'on extrait du monde réel. Alors, tant que ça peut couvrir divers ordres de grandeur. Si vous prenez, par exemple, la longueur de tous les cours d'eau du globe, les nombres d'habitants des villages de France, la répartition colle vraiment de très près avec cette loi bizarre. Mais ça ne marchera pas avec la taille des gens, parce que si on compte en mètres, comme la plupart des gens mesurent entre 1 mètre et 2 mètres, bah vous aurez toujours le 1 en premier chiffre significatif. Ça, c'est parce que votre échantillon couvre un ordre de grandeur toujours à peu près identique. Si on prend des choses beaucoup plus variées, comme les exemples que je vous ai donnés, eh ben, vous trouverez cette étonnante répartition, plus de 1 que de 2, etc. Je peux vous poser une question, Florian? Si moi, ça me paraît logique que le premier chiffre significatif soit plus généralement 1, est-ce que c'est moi qui suis tordu ou est-ce que j'ai mal compris quelque chose? Non, non, non, vous n'êtes pas tordu. En fait, vous êtes peut-être parfaitement rationnel. Bah oui. Parce que, y a beaucoup de gens à qui ça choque. On se dit, mais non, ça devrait être aléatoire. Il n'y a pas de raison que ça commence plus par un ou par deux dans le monde réel. Alors, le constat, il avait été lancé il y a 140 ans, ou presque, par l'astronome Simon Newcomb. C'est en 1881. Alors, il a écrit là-dessus dans l'indifférence générale. Peut-être parce qu'à l'époque, les gens trouvaient ça aussi normal que vous le trouvez vous-même. Et lorsqu'il a ce principe a été redécouvert en 1938 par un ingénieur qui s'appelait Frank Benford, là tout le monde s'est dit, mais attendez, c'est complètement invraisemblable, c'est complètement contre-intuitif. Parce que justement, pour beaucoup de gens, on s'imagine que voilà, des valeurs extraites d'une base de données quelconque ne devraient pas privilégier de premiers chiffres significatifs. Et pourtant, en fait, même intuitivement, on peut comprendre que c'est pas si anormal. Il y a plusieurs démonstrations mathématiques indépendantes qui ont confirmé que ce résultat est tout à fait attendu dans de nombreux contextes. La démonstration prend un peu de temps à faire à la radio, c'est un peu une gageure, surtout si vous êtes allergique au mot logarithme. Mais je vais vous montrer que c'est pas si inattendu de ne pas avoir autant de 1 que de 2, et de 2, de 3, etc., en partant de quelque chose d'aléatoire. Vous prenez, par exemple, les chiffres de 1 à 9. On ne peut pas faire plus simple. Vous les multipliez par les chiffres de 1 à 9. Comme ça, vous avez 80 000 valeurs. Et regardez, donc là on est parti de nombres qu'on a pris, voilà, des nombres, des chiffres de 1. Et bien regardez le premier chiffre significatif de vos résultats. Il n'y a pas la même quantité de 1 que de 2, de 2 que de 3. Si vous faites 4 fois 4, ça fait 16. 9 fois 2, 18. 3 fois 6, 18. Dans 20% des cas, ça va commencer par un 1. Dès qu'il y a des interactions entre des valeurs, des interactions multiplicatives, on casse la répartition des premiers chiffres significatifs. On peut même aller plus loin, vous prenez 1000 nombres au pif, vous les multipliez par 1000 valeurs au pif, vous aboutirez à une série de 1000 valeurs qui vérifient de très très près notre loi de Benford, et c'est démontré, c'est très bien compris par les mathématiciens. Donc pour la faire sobre, comme l'ont d'ailleurs résumé deux chercheurs français il y a une douzaine d'années, dans toutes les situations en vie réelle où les valeurs étudiées sont le fruit d'interactions, ça peut être des interactions multiplicatives, mais par contre dites que des valeurs interagissent avec d'autres et pour produire de nouvelles valeurs, eh ben il n'y a rien d'étonnant à observer une répartition qui ne soit pas vraiment parfaitement linéaire des premiers chiffres significatifs, et même c'est tout à fait normal de tomber sur quelque chose qui ressemble à la loi de Benford. Donc ça, c'était pour la partie maths. Maintenant, on passe à la partie élection. On va passer à la partie Trump maintenant, effectivement. Parce que cette loi de répartition des chiffres, il y a pas mal d'auteurs qui font dire on va s'en servir comme un outil pour détecter des fraudes. La fraude fiscale en premier lieu. Par exemple, un bilan comptable ou une déclaration de revenus. Écoutez bien, si vous comptez frauder, c'est important. Je vous en décourage hein, quand même. Les auditeurs et les auditrices de la méthode scientifique ne fraudent pas, voyons Florian, qu'est-ce que vous racontez ? Allez, voyons. C'est exemplaire. Je vous laisse poursuivre. Alors, donc un bilan comptable, une déclaration de revenus dont les nombres ne seraient pas répartis selon la loi de Benford, eh bien, ça suggérerait que ces données ne reflètent pas la vie réelle, mais plutôt l'imagination d'un comptable ou d'un contribuable malhonnête. Selon une étude de 2011, la Grèce était le pays de la zone euro dont les comptes publics s'écartent le plus de la répartition attendue de la loi de Benford. Alors, c'était en 2011, peut-être que ça s'est amélioré depuis. Alors, une série de valeurs qui ne respectent pas la loi de Benford, ce n'est pas nécessairement la preuve d'une fraude. Hein. Une personne qui répartirait en toute légalité ses revenus dans différentes niches fiscales plafonnées sortira malgré lui des canons de la loi de Benford. En fait, un fraudeur au sens légal du terme. Florian, je vous précise juste rapidement, parce qu'on est à distance, qu'il vous reste 2 minutes pour terminer. Ben, je vais aller vite alors en parlant de Trump. Donc il y a des équipes qui se sont dit est-ce qu'on peut le tester dans un contexte électoral ? Et les Trumpistes qui se sont plongés là-dessus, regardez, et à Milwaukee, eh bien, ils avaient raison, là, il y a une répartition des voix en faveur de Joe Biden dans les 327 bureaux de vote de Milwaukee qui s'écarte très fortement du profil défini par la loi de Benford. Sauf qu'en fait, ça n'a absolument rien d'anormal, ça ne révèle absolument pas une fraude. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour que la loi de Benford marche, il faut que les chiffres soient piochés dans une liste qui couvre différents ordres de grandeur. Souvenez-vous de l'exemple avec la taille des habitants d'une ville. Si vous piochez vos valeurs dans une série où les valeurs sont comprises entre 400 et 800, bah évidemment que Benford ne s'applique pas entre 400 et 800, il n'y a pas de chiffre 1, il n'y a pas de chiffre 2. Et ça, c'est la chose auquel n'ont pas pensé nos Trumpistes. Dans les circonscriptions électorales de Milwaukee, on a majoritairement entre 500 et 1000 votants par bureau. Et on voit que les intentions de vote pour Biden étaient de l'ordre de 73%. 73% d'un nombre compris entre 500 et 1000, ça donne un chiffre compris entre 365 et 730. Donc rien dans cette fourchette, là pour premier chiffre significatif, 1. C'est donc parfaitement attendu dans ce contexte qu'on ne respecte pas la loi de Benford. Alors est-ce qu'une élection valide et digne de confiance peut donner lieu aux résultats observés à Milwaukee ? La réponse est oui. Un candidat qui est bien plus favori que les autres dans une ville dont les tailles de bureaux électoraux sont assez resserrées, eh bien, ça fait tomber Benford à l'eau. Et donc, tester Benford pour les fraudes électorales, on l'a essayé depuis des années, ça marche, mais pas souvent. En 2011, il y a des chercheurs californiens qui l'ont démontré. Des élections honnêtes peuvent tout à fait s'écarter de cette voie, de même que des élections frauduleuses peuvent s'y conformer. Et je vais donner un exemple. En 2011, les élections du Bundestag allemand, dont les résultats n'ont été contestés par aucun parti observateur international, eh bien, identifié dans plus de 25% des bureaux électoraux votant pour le Bundestag, eh bien, un écart très, très significatif par rapport à la loi de Benford. Donc, ce n'est absolument pas une méthode valide pour démontrer qu'il y avait des fraudes chez Trump. Voilà. Et le saviez-vous, Florian, le 4 décembre est le jour du décès de Frank Benford. C'est beau. C'est-à-dire, pour des gens comme vous et moi qui travaillons en permanence à essayer de démonter la pensée conspirationniste, là, je pense qu'on est mal barré sur ce coup-là. Hasard, je ne crois pas. Non, je ne le crois pas, Florian, il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup. Un dernier mot rapide, peut-être, Cécile Lestienne, Philippe Pageot, sur une actualité scientifique que nous n'aurions pas traitée au cours de cette heure. Vraiment, en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps. Cécile. Oui, c'est pas une actualité pas traitée, mais juste parce que moi j'attends avec impatience, puisque nous sommes au bord d'une sorte de premier déconfinement, la réouverture des musées et notamment l'ouverture de l'exposition Les Origines du Monde, donc c'est le darwinisme à travers les arts au musée d'Orsay. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, à partir du 16 décembre. Philippe Pageot. Oui, donc le 6 décembre, dimanche, donc il y a une capsule avec des échantillons de matière arrachée à un astéroïde, qui s'appelle Ryugu, qui devrait atterrir dans le dessert australien. Donc, qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? Des grains de matière carbonée, c'est ce que les chercheurs espèrent, avec des molécules organiques, lesquelles, quel est le lien avec le vivant. En tout cas, ça pose des questions très intéressantes sur tous les problèmes d'origine de la vie. Et le 6 décembre, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Est-ce là aussi un hasard? Je ne crois pas. Florian Gouttière, un mot, peut-être prochain billet sur curiologie.fr. Je ne sais pas si en ce moment je travaille donc beaucoup pour cette news de Libération et on est à fond sur les vaccins et les vaccins ARN messagers. Eh bien. Donc, la semaine prochaine, je vais vous pondre liés à l'appel autour de ce sujet passionnant. Nouvelle coïncidence, c'est également le sujet des idées claires de la semaine prochaine. Décidément, cette émission est suspecte. Philippe Pageot, un mot sur le contenu de cette recherche trimestrielle nouvelle. Vraiment en un mot. Oui, alors gros dossier donc sur les origines quantiques du cosmos. Et ensuite, il y a un gros papier sur le climat, sur des neurosciences, des mathématiques, de l'éthique, de la géophysique, donc sur l'intérieur de la Terre. Tout ça sur le fil Twitter de l'émission. Pardon, je vous coupe, on est très en retard. Cécile Lestienne, en un mot à la une de Pour la Science. Et trou noir, le paradoxe de l'information bientôt résolu, et un très joli enquête sur le vrai coût énergétique du numérique, parce que le numérique, même comme ça marche pas très bien comme aujourd'hui, ça coûte cher. C'était Jean-Guy Lamage à la technique. Demain à 16h, vous retrouverez Étienne Klein. On vous met le programme de la semaine prochaine. Je n'ai plus le temps sur notre fil Twitter. Et moi, je vous dis à lundi 16h jusqu'à preuve du contraire.